ne sais toujours pas ce qu'ils pensent. Je ne sais toujours pas ce qu'ils chantent. Je regarde leur voix qui dessine une symphonie sauvage et s'envole par-dessus les cages. Chaque matin je salue les mêmes regards, sans jamais comprendre, sans jamais savoir ce que feraient leurs yeux s'ils étaient dirigés sur mon dos, de l'autre côté des barreaux. À force de balancer des seaux de croquettes, j'ai du sentiment pour ces pauvres bêtes. Je me demande encore qui a cru qu'un sapin c'est suffisant pour une famille d'orang-outans. Pourquoi les enfants trouvent-ils ça marrant de voir un loup dormir sur le ciment? Je n'y comprends plus rien, je me demande même comment j'ai pu choisir ce triste métier sans rougir. La nuit je rêve que je suis à leur place, enfermé regardant la faune qui passe. Mais au réveil pourtant, je réalise qu'ils sont bien mes semblables. Nos vies sont aussi misérables. Symphonie sauvage et s'envole par-dessus les cages.